Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Poursuite de l'opération d'enregistrement des véhicules en vue d'accéder aux produits pétroliers. Certains trouvent que cette opération n'a pas été minutieusement préparée. Vous aurez dans cette édition la réaction de l'Association des transporteurs du Burundi à Trabou. Plus de 180 hectares de champs de culture ont été emportés par des averses en commune Mugamba de la province Bururi. Les familles demandent assistance. En international, c'est ce vendredi qu'a débuté en Picardie, en France, le 19e sommet de la francophonie. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes naturelles affirme être au courant que les déplacés du site de Matyazo en commune Mubimbi de la province de Bujumbura font face aux problèmes de logement au moment où il y en a qui ont évoqué l'état de délabrement dans lequel leurs tentes sont. Le président de cette plateforme tranquillise qu'un terrain est en train d'être aménagé au site Gateri, en commune Buganda, de la province de Chibito. Kianse Nibaruta indique cependant qu'il y a des familles, quelques familles qui vont rester à Matyazo. On l'écoute au micro de Sheila Irambona. Nous sommes au courant que les déplacés d'Ogatumba que nous avons installés sur le site d'Ogisagara dans la commune de Mubimbi n'ont pas suffisamment d'abri. Aujourd'hui, on a 1025 ménages, dont 53 ménages de la localité qui sont victimes d'englissement de terrain. Sur cet effectif, nous avons 430 ménages qui n'ont pas d'abri. Ils se sont arrangés pour avoir des abris de fortune et donc nous sommes en train de préparer un site de désengorgement qui est le site d'Ogatumba dans la commune de Buganda de la province de Chibitoke. On est à l'œuvre. Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, a demandé un fonds pour les premières activités pour l'installation de ces ménages à Gateri. Le ministre des Finances a accordé un montant de 1,380 milliards, légèrement plus que ça. Et il y a déjà une partie qui est en train d'être utilisée par Obuha, qui est en train d'aménager une piste d'accès à partir de la RN5 jusqu'au site. Il y a une distance linéaire de 3 km. Obuha finalise aujourd'hui cette activité et Obuha va nous aider par la suite pour l'aménagement du terrain. Et conjointement avec la Direction générale de l'aménagement du territoire, Obuha va faire le terrassement du terrain. Les deux entités ils vont piqueter les parcelles et chaque ménage aura une parcelle de 15 sur 20 mètres. Et à partir de là, on va commencer à transporter les gens jusqu'au site de Gateri. Et on va commencer à construire directement 40 maisons. Et les communautés vont participer à la construction de leurs maisons. Et je ne saurais pas cependant dire quand on va commencer à construire ces maisons parce qu'il y a des travaux préliminaires qui doivent être faits. On attend que les structures différentes qui sont impliqués fassent leur travail. À Mubimbi, ce n'est pas dire que c'est un site à abandonner, c'est un site à garder parce qu'il y aura des ménages qui vont rester là. L'idée est de faire ces deux sites des centres urbains. Le général de brigade Anse Nibaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes naturelles. Et certains habitants de la province Kayanza disent ignorer l'existence de la plateforme en charge de la prévention des risques et de gestion des catastrophes. Ils demandent qu'ils soient informés sur cet organe afin de s'y confier en cas de besoin. Suivez ce micro-trottoir. Si cette plateforme existe, moi je n'en connais pas. Je sais qu'elle doit lutter contre les catastrophes. Je pense qu'elle n'est pas encore à l'œuvre, car les catastrophes sont toujours là, mais les victimes ne sont jamais secourues. Nous demandons à ce que cette plateforme se mette à l'œuvre, car les catastrophes arrivent absolument chez quelqu'un ou un voisin. Cette plateforme n'existe pas pour moi, je n'en connais pas. C'est bien qu'il se mette en place, car des catastrophes arrivent souvent chez nous. Par exemple, ici chez nous, les gens sont pauvres. Cette plateforme pourrait nous secourir en cas de besoin. En vérité, moi je ne connais pas cette plateforme de lutte contre les catastrophes. Une fois en place, elle nous aiderait. Moi je ne connais pas cette plateforme, mais elle est importante. Nous demandons aux autorités de nous en faire part. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h06 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. L'enregistrement des véhicules pour accéder aux produits pétroliers en mairie de Bujumbura a été bien accueilli par des propriétaires de ces véhicules, mais ces derniers trouvent que cette politique n'a pas été minutieusement analysée par la société pétrolière du Burundi Sopebu, car elle se heurte à plusieurs défis. Les propriétaires de plusieurs véhicules doivent les enregistrer sur plusieurs cartes SIM. C'est au moment où il y a ceux qui ne possédaient pas de téléphone Android. Ils indiquent que même le délai de 6 jours fixé par la Sopebu ne suffit pas et demandent que ce délai soit prolongé. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. L'enregistrement de véhicules pour que leurs propriétaires aient accès au carburant dans l'avenir est vraiment casse-tête selon certains. Pire encore, ce sont des gens qui n'ont pas le temps d'arriver dans les centres d'enregistrement qui utilisent leurs Android pour cet enregistrement, mais sans succès. L'histoire de pénurie est déjà réglée, mais aussi on nous a demandé d'enregistrer nos véhicules. Et pour faire enregistrer ton véhicule, il faut aller à l'ETS et tu vas y passer toute la journée. Mais on nous a donné aussi une autre alternative d'enregistrer le véhicule via les téléphones Android. Mais il y a des catégories comme ceux qui ont des téléphones iPhone ou ceux qui n'en ont pas, qui ont juste des téléphones, qui n'y a pas d'Android et ils sont un peu exclus. Il y a d'autres défis qui s'observent dans ces enregistrements en cours. Certains se demandent comment les étrangers qui seront de passage dans le pays pourront procéder pour avoir du carburant. Je crois que la Sopebu va essayer de régler ça, comme ils vont régler ça aussi pour les voyageurs qui viennent de l'étranger ou qui sont de passage au Burundi, qui en principe devaient donner leur argent aux stations et avoir l'essence. D'autres qui ont requis l'anonymat disent qu'ils ne sont pas en train de faire enrôler leurs engins. C'est notamment ceux qui, les documents de leur véhicule sont dans les mains de la police de roulage à l'Otraco pour contrôle technique et ceux qui, leurs véhicules sont en location à l'intérieur du pays. Tous demandent la prolongation des délais de cet enregistrement. Parmi les exigences à ceux qui sont en train d'enrôler leur véhicule et que chaque véhicule doit être enregistré sur chaque numéro de contact pour dire que celui qui a 10 véhicules doit avoir aussi 10 cartes SIM. Ces enregistrements des véhicules se déroulent dans 3 centres en mairie de Bujumbura. Au sud, c'est à l'Ekofo Kanyosha 3. Au nord, c'est sur le terrain de football de l'ETS Kamenge et sur le terrain se trouvant devant les bureaux de la zone Kinam. Et en réaction, l'association burundaise des transporteurs Atrabou dit avoir bien accueilli la mesure de la Sopebu tout en espérant que cette mesure apporte une plus-value pour rendre disponibles les produits pétroliers et en abondance. Ceci est dit par Charles Niramheva, secrétaire général de cette association, qui indique que cette inscription exige beaucoup de documents et demande que ceux qui font ces enregistrements puissent considérer les éléments disponibles, notamment les plaques d'immatriculation, et que les délais soient prolongés. Suivez. Au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, et la mesure qui a été prise par Sopebo avait très bien accueilli parce que toute mesure alla dans le sens de remédier ou éradiquer la pénurie répétitive de carburant. Il est bien entendu bien accueilli par les transporteurs dont nous sommes. Donc, au niveau de la travaux, cette mesure a été très bien accueillie, malgré qu'il s'observe des files d'attente et l'enregistrement qui dure beaucoup de temps. Alors, vous comprendrez que pour les transporteurs, ça perturbe le travail, surtout que la Sopebo exige le port de tous les documents, depuis la carte rose jusqu'au contrôle technique, même le permis de transport. Et tous ces documents, au moment où les transporteurs venaient de passer beaucoup de temps sans prester, donc il s'observe beaucoup de transporteurs qui n'ont pas la totalité des documents. La raison pour laquelle ils étaient en train de s'organiser pour qu'ils puissent encore une fois payer les dettes et renouveler les documents. Mais malheureusement, au niveau de la Sopebo, on exige que tous les documents soient au complet. Et la Trabou demande à ce que la Sopebo puisse voir comment considérer uniquement la plaque d'immatriculation et le nom du propriétaire, surtout la carte rose, pour qu'ils puissent mettre beaucoup de transporteurs dans le système afin qu'ils puissent plus tard avoir l'accès à l'approvisionnement de carburant. Avoir les échos des transporteurs qui ont déjà passé sur le terrain dans les tests et ailleurs, l'enregistrement pour un seul véhicule prend beaucoup de temps. Et ce qui veut dire qu'un délai de 6 jours est insuffisant pour enregistrer tous les véhicules, surtout ici en mairie de Bujumbura. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour demander à la Sopebo que si jamais les 6 jours s'écoulent sans que l'enregistrement soit terminé, qu'il puisse passer à la prolongation du délai pour que tous les utilisateurs de carburant puissent être enregistrés et plus tard avoir l'accès au carburant. Charles Nhirameba, secrétaire général de l'ATRABU, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nziko Banyanga. Je veux l'annoncer en titre, plus de 1000 personnes excusées de cette colline de la commune Mugamba en province Bururi, au sud du Burundi, ont besoin d'une assistance en semences et autres. Ces personnes ont été identifiées victimes après des pluies diluviennes et mêlées de grêle et de vents violents qui ont détruit plus de 180 hectares de leur champ de culture, selon l'administrateur de cette commune, Venus Tenahumba, et demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le point avec Zeno Nzambimana. 183 hectares de culture de thé, de café, de pommes de terre, de patates douces, de haricots, de maïs et d'autres sur cette colline de la commune Mugamba dans la province de Bururi ont été finalement identifiés parmi les dégâts occasionnés par les pluies torrentielles mêlées de vents violents et de grêle qui se sont abattus il y a 2 semaines sur ces collines. Les collines les plus touchées sont Dongeburasira, où 54 hectares ont été détruits, Dongeruzi, 35 hectares, Tawa, 28 hectares, et Kibezi, 25 hectares, selon l'administrateur de la commune de Mugamba, en même temps président du comité de prévention et de gestion des catastrophes dans cette commune, qui ajoute que 1176 ménages ont été victimes de ces intempéries. Venise Naumbaye demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide, une aide surtout en vivres et en semences. Du côté de l'administration communale et de cette plateforme, il fait savoir qu'ils sont en train de sensibiliser les voisins de ces victimes pour les assister tout au moins en bouture de patates douces. Depuis Bururi, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Parlons médias à présent. Des journalistes des provinces du sud du Burundi se plaignent d'un non-accès à l'information au cours d'un atelier organisé par le ministère de la Communication de jeudi à vendredi au chef-lieu de la province Makamba sur le rôle des médias dans la mise en œuvre de la vision Burundi 2040-2060. Oscar Nzohabona, directeur général du ministère de la Communication, a demandé notamment à ces journalistes de nouer de bonnes relations avec leurs sources d'information. Le point avec Élise. Au cours de cet atelier de formation sur la part des médias dans la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, animé depuis ce jeudi à ce vendredi dans la province Makamba, à l'endroit des journalistes et francs dans les provinces du sud du pays. Certains de ces journalistes éprouvent des difficultés pour accéder à l'information. Ils indiquent que certains de la population et des administratifs qui refusent de leur communiquer et demandent qu'il y ait des sensibilisations à des sources d'informations afin que celles-ci acceptent favorablement de livrer des informations aux médias. Le directeur général au ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, Oscar Nzohabonayo, demande aux journalistes de nouer de bonnes relations avec leurs sources d'information et de s'assurer de la fiabilité et la pertinence des informations à diffuser. Ce directeur les recommande aussi le journalisme de solution en mettant l'accent particulier sur des émissions et des reportages en rapport avec l'économie sociale, le développement, l'agriculture et l'environnement. Et aux sources d'informations, il leur demande de comprendre que les informations que les livres aux médias contribuent dans la réalisation de cette vision. Dans cette formation ont participé les journalistes des provinces de Makamba, Bururi, Rumonge, Rutana et Mwaro. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Avant de clore cette édition page internationale, débute ce vendredi 4 octobre du 19e sommet de la francophonie en Picardie en France. Et c'est un sommet sur deux jours, ce vendredi et ce samedi 5 octobre. Cela faisait 33 ans que la France n'a pas accueilli le sommet de la francophonie. Eh bien, les cérémonies d'ouverture ont été présidées par le président français dans la ville de naissance d'Alexandre Dumas. Après, les membres de l'Organisation internationale de la francophonie se sont réunis, donc, je le disais, en Picardie, et des dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés ce vendredi à environ 70 km au nord-est de Paris. À une ville où le roi François Ier avait signé en 1539 l'ordonnance imposant l'usage du français en lieu et place du latin dans tous les actes de l'administration et de la justice du royaume de France, et où Emmanuel Macron, président français et natif de la région Picarde, a inauguré l'an passé la Cité internationale de la langue française. Et en Tanzanie voisin, ce pays a rejoint le corridor de l'Obito reliant l'océan Indien à l'océan Atlantique. Le projet de corridor de l'Obito qui relie quatre pays africains est prêt à être mis en œuvre après que les États-Unis aient accordé une subvention d'assistance technique pour une étude d'évaluation environnementale, une étude de faisabilité et la signature de l'accord de concession sont également achevés pour le chemin de fer de 780 km reliant la ligne ferroviaire de Lobito à Luasano en Angola à la ligne de chemin de fer existante en Zambie. Et la société financière africaine, le principal promoteur du chemin de fer Zambie-Lobito, a signé un accord de concession avec les gouvernements de la Zambie et de l'Angola pour développer et exploiter le chemin de fer en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et voilà, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Thank you.